بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Donc nous continuons dans le livre فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله. Donc aujourd'hui nous allons voir le chapitre Takfin al-Mayyit. Dans le cours passé, nous avons vu comment laver le corps. Voyez. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment ensevelir le corps. C'est-à-dire comment habiller le corps pour aller l'enterrer. قال المؤلف رحمه الله لتدينيف إذ فصل تكفين الميت تكفين الميت سأدي l'ensevelissement du corps par le linceul, c'est-à-dire fermer le corps. Ça va? Donc ici التكفين dans la langue arabe, ça veut dire at-taghtiyatu was-satr. C'est le même sens, c'est-à-dire fermer. Taghtiya, c'est couvrir. Was-satr, fermer, c'est at-taghtiya, c'est couvrir. As-satr, c'est fermer et puis cacher. Voyez. Wa minhu summiya, c'est de cela qu'a été nommé Kafnul Mayyit, c'est-à-dire le linceul du mort. Lianahu yasturu, car ça le ferme. Wa minhu takfinul mayyit, de cela on a takfinu al mayyit. Ça va ensevelir le corps, c'est-à-dire taqtiyatuhu bil kafni, le fermer avec le linceul. Voyez. Le linceul, en un mot, c'est ce qui ferme le corps, le couvre le corps. Lorsqu'on finit de le laver, on doit faire son takfin pour pouvoir l'enterrer. Voyez. Donc, falman al-istilahi, muwafiqun liman al-lughawi. Donc, le sens dans le jargon des gens du fiqh est conforme au sens linguistique. Donc voilà pourquoi ici, le cheikh ne va pas donner le sens linguistique, parce que c'est pareil. Takfinul mayyit, taghtiyatuhu wa satru. C'est-à-dire, c'est le fermer, le couvrir avec un vêtement. C'est ce qu'on appelle takfinul mayyit. Alors ici, maintenant, nous avons vu le sens de takfin. Ça va? L'auteur du livre dit « Wa yajibu takfinuhu ». Alors, c'est obligatoire d'ensevelir le mort, c'est-à-dire de le couvrir avant d'aller l'enterrer. Donc, « Yajibu takfinu al-mayyit wujuban kifai ». L'obligation ici, c'est l'obligation kifai. C'est quelle obligation? Non. C'est quelle obligation qui faille? L'obligation commune, c'est ça? C'est-à-dire si d'autres le font, l'obligation quitte sur les autres. Et d'accord, ma bihil ba'd, saqatan al-baqin. Si d'autres le font, alors l'obligation quitte et tombe sur les autres. Kama fil ghusli tamaman, comme on a vu dans le lavage tamaman, yani de la même manière. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد الله صلى الله عليه وسلم أمر في حديث المحرم إلى أردني الحديث celui qui était en ihram الذي وقصته ناقته celui dont il était sur sa monture qui était en naqa une chamelle et la chamelle l'a fait tomber et ensuite a marché sur lui jusqu'à la casser. Il est mort sur le champ. Toyib. Aïe kassaratuhu famat. Waqala fihi. Alors celui-là, le professeur Rassam a dit à son sujet, il dit kafinuhu fi saubayni. Il dit il faut faire son takfin dans deux vêtements. Toyib. Yani l'ensevelir dans deux vêtements. Wada amr, alors cet ordre ici montre que fatakfinul mayyit c'est wajib. Parce qu'ici il a donné, Abdul Karim, il a donné al-amr, nam, un ordre. Wal amr yaqtadi al-wujub. Qala al-mu'allif rahimahullah. Takfinuhu, takfinul mayyit. بما يستره صلى ويجب تكفينه بما يستره c'est-à-dire l'ensevelir avec ce qui le ferme, ce qui ferme le corps. وهو اقل ما يكفن به الميت c'est la moindre des choses par laquelle on couvre le corps, c'est-à-dire on ensevelit le corps. أن يكفن بشيءٍ qu'on l'ensevelit avec quelque chose qui le couvre. C'est-à-dire que si on finit de le laver, à quoi le chez, c'est qu'on trouve un drap qui peut le couvrir. Alors même si c'est un seul drap, voyez, comment on fait? On dépose le drap, c'est-à-dire vêtements comme ça, et on le couche sur son, sur sa nuque, sur son dos. Ça va? Maintenant, quand on met sa main sur la poitrine, ses deux mains sur la poitrine ou faire le irsal, hada al hasabima yani turidun wa illa ma jaa an-nas hawla hada. Il y a pas un test clair qui est venu de façon authentique à ce sujet. On peut mettre la main sur la poitrine comme on peut faire le irsal. Voyez, maintenant, lorsqu'on se couche comme ça, on prend du côté gauche. On ferme et le côté droit du drap, on ferme comme ça. Indah al-mordo. Mais ça doit couvrir tout son corps et ensuite on prend des choses pour attacher. Ça va? Takfin al-mayyit, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Ça va? Donc, bima yasturuhu, c'est-à-dire ce qui le couvre. Ça va? Ce qui le couvre, même si c'est un vêtement. Tayyib. Fa yughtihi taghtiyatan kamila. Il le ferme de façon complète. Wal afdal wal akmal. Mais ce qui est meilleur et ce qui est plus complet, an yukfana bi salasati athwab. Salasati athwab. On le, c'est-à-dire, on l'ensevelit avec trois vêtements. Aswab ici, c'est le pluriel de saoub. Saoub, pluriel, siyab, et puis aswab. Ça va? Tous ces deux sont ces pluriels. Faqad sabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est venu de façon claire dans un hadith authentique. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kuffina fi salasati aswab yamaniyah. Il a été couvert dans trois vêtements yéménites, bird, blanc, soholiya. Ça va? Soholiya en coton, ou bien soholiya Voilà. D'autres ont dit que c'est d'une ville du Yémen, ce nom-là vient. Maintenant, Min Kursufin. Kursuf, c'est Al-Khotun. Khotun. Khotuni. Coton. Ça va? Fabriqué en coton. Les safihinna kamis, dans ces vêtements, il n'y a pas de kamis, c'est-à-dire chemise, voilà imama. Il n'y a pas de imama aussi. Ça va? Parce qu'il y a souvent des vêtements qui sont grands, à l'intérieur on met une chemise, et puis aussi on met une imama au-dessus. Ça va? C'est qui ferme la tête. Il n'y avait pas cela dans, dans ces trois vêtements. Wa fi sahihayn, et le hadith se trouve dans les deux authentiques. Ça va? Wa huwa al-akmal, c'est ce qui est le plus complet. C'est-à-dire le plus complet, on ensevelit le mort dans trois vêtements, c'est-à-dire dans trois linceuls, comme on peut le dire. Ça va? Trois linceuls. Wa ar-rajul wal-mar'a fi zalika sawa. La femme et l'homme sont pareils au sujet des vêtements. Ça va? 3. وقد فرق بعض اهل العلم, mais certains savants ont mis la différence entre l'homme, بين المرأة والرجل, entre l'homme et la femme. فقال, il a dit, المرأة تكفن بخمسة أسواب. La femme est ensevelie avec 5 athwab, c'est-à-dire 5 vêtements. لكنهم, mais ceux-là, ihtajjou fi zalika, ils ont argumenté dans cela bi hadith da'if, avec un hadith qui est da'if. Ça va? Et le hadith, c'est le hadith de Layla bint Khanif al-Thaqafi, qui est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et autres. Mais dans le isnad, il y a quelqu'un qu'on appelle Nuh ibn Hakim, qui est majhoul, il n'est pas connu. En malon. S'il n'est pas connu, on ne prend pas. Ça va? Et ce jugement s'applique jusqu'à aujourd'hui. Le asl, le musulman n'écoute pas celui qu'on ne connaît pas. Il ne prend rien de lui. Hatta yu'raf, jusqu'à ce qu'on sache, hal huwa min ahli sunnah am huwa min ahli al-bid'ah wal-ahwa. Soit il est parmi les gens de la sunnah, mais cette qaïda que les gens apportent aujourd'hui, cette qaïda n'est pas connue au temps des salaf. S'ils avaient fait cela pour les hadiths, on ne va pas se retrouver avec un hadith authentique. C'est quel cas ils disent, خذ الحق وترك الباطل لكن واسمع لكل احد. Écoute tout le monde, prends la vérité et laisse le faux. طيب, si ça veut faire la différence entre la vérité et le faux, pourquoi il va aller l'écouter? Hein? C'est qui? Faut te lever. Arrête-toi ici. Non. Donc, c'est une règle qui est caduque. Ça va? Donc, à cause du caractère majhoul de Nuh ibn Hakim, hein, le hadith a été refusé. ولو علة أخرى. Le hadith a d'autres problèmes. Ça va? Qui ont été rapportés par l'imam Ibn Qattan Al-Fasi. Ça va? Donc le hadith à la couleur n'est pas authentique. Le hadith qui vient mettre la différence entre l'homme et la femme, qui montre que l'homme doit être enseveli avec 3 et la femme 5. Là, il y a ça. وَالصَّحِيِّ, mais ce qui est authentique, وَمَا ذَكَرْنَا, c'est ce que nous avons mentionné. Qu'est-ce que nous avons mentionné? 3. Alors, pour l'homme et la femme. La femme doit ensevelir. Vous comprenez ce qu'on dit? Ensevelir, ça veut dire quand quelqu'un meurt, on l'emballe dans un vêtement et puis on va l'enterrer. Vous avez compris? Après qu'on on a fini de le laver. Et la semaine passée, on a vu comment laver le corps. Après, votre oustaz va vous demander comment le faire. Ça va? Et puis vous allez faire. Ou bien il va vous expliquer encore. C'est compris? Alors maintenant, comment le couvrir? C'est-à-dire l'habiller pour aller l'enterrer. Donc c'est de cela qu'on parle. Ça va? Et on a dit que on le couvre avec trois vêtements. Pour que vous compreniez, trois linceuls. Les linceuls sont comme les pagnes qui sont grands. On les met au milieu et puis on le couvre avec. Ça va? C'est compris? Ça y est, on continue. Donc, وهذا وهو أن الرجل والنساء على السواء في تكفين. C'est-à-dire l'homme et la femme sont pareils dans l'ensevelissement. بِسَلَاسَةِ أَسْوَابٍ pure, avec trois vêtements blancs. Ça va? وَهَذَا أَكْمَلْ مَا يَذْكُرُ فِي تَكْفِينِ مَا يُذْكَرُ فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ. C'est le plus complet de ce qu'on mentionne dans l'ensevelissement du mort, c'est-à-dire comment l'habiller. وَأَمَّا الْإِجْزَاءُ. Mais quant à ce qui est suffisant, ça va? Ce qui est suffisant dans l'ensevelissement du mort, c'est suffisant, même si c'est avec un seul vêtement. Yasturu al-mayyit kulla. Ça couvre tout le mort. Ça va? Un seul vêtement. Comme je viens de vous le dire. Ça va? Tayyib. Qawluhu bima yasturuhu. La parole de l'imam Shawkani. Il dit bima yasturuhu. Ça veut dire quoi? Ja fi al-hadithi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. C'est venu dans le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Idha kaffana ahadukum akha. Si l'un d'entre vous ensevelit son frère, fal yuhsin kafnihi ou kafnahu. Ça va? Qu'il perfectionne le takfin. Qu'il ensevelit d'une belle manière. Ici, le hadith est rapporté par l'imam muslim. Les savants disent maintenant: Wal murad, ce qui est voulu bi ihsan al kafn, par la perfection de l'ensevelissement, c'est nazafatuhu, c'est la propreté. Awalan, wa kasafatuhu, et sa densité. Alors le fait que ça ne soit pas léger, le vêtement ne soit pas raqiq, ça doit être épais. Ça va? Wa satruhu, et le fait que ça couvre, et le fait qu'il reste dans le juste milieu. Walis al-murad as-sarf, mais as-sarf, ce qui est voulu de al-ihsan n'est pas de gaspiller. Ça va? Fihi wal-mughalatu, et de dépasser les limites, wa nafasati, et le caractère précieux du vêtement. C'est pas ce qui est voulu. طيب بل ان يكون الكفن نظيفا. Le kafn, c'est-à-dire le linceul, doit être propre. Kathifan, doit être épais. Yasturu al-mayyit, et ça couvre le mort. Ça va? Satiran mughattiyan. Alors c'est la même chose, ça couvre totalement les jami'i li jasad al-mayyit. Jami'i jasad al-mayyit, tout le corps du mort. فَهَكَذَا يَكُونُ الْكَفْ حَسَنًا. C'est ce qu'on appelle l'ensevelissement, ou bien le linceul qui est hasan, qui est bon. Ça va? Ce n'est pas la fierté du linceul, comme on voit certaines personnes le faire. Ça va? Parce que certaines personnes importantes, on ne peut pas l'acheter le linceul comme pour les autres. qu'on trouve peut-être le mètre à 2500 ou bien à 3000. Lui va acheter le mètre à 1 million pour venir ensevelir le mort. Ah, c'est israf. C'est du gaspillage. Toyeb. Roubama, il y a d'autres même qui vont l'habiller. Lorsqu'ils finissent de l'habiller avec le linceul, ils font quoi? Avant même de mettre le linceul sur lui, ils vont lui faire porter des bagues en or. Voilà pourquoi les voleurs ne se fatiguent pas d'aller déterrer le corps. Comment on peut enterrer un corps avec de l'or? Hein? Dans lui, il rentre dans la tombe, il découvre, il prend l'or et puis il laisse le mort là-bas. Maintenant, s'il a des rituels à faire aussi, bon, il coupe ce qu'il a coupé dans le corps et puis il s'en va. Anas, les gens aujourd'hui, Allahu Musta'an, par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la parole du professeur n'a aucun effet sur eux. Regardez, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Kafa bil mawti wa'idan. La mort suffit comme exhortation. Mais regardez les gens aujourd'hui. Hein? Même lorsqu'ils vont enterrer un corps, tu as l'impression qu'ils sont en train de faire un mariage. C'est-à-dire, de la manière dont on va chercher la femme, et on vient avec beaucoup de bruit autour, tu as l'impression que c'est ce qu'ils vont faire. Ça va? Ils appellent ça le soutien de leurs frères. D'autres même, ils portent des tricots avec la photo du mort. Et puis maintenant, ils sensibilisent les gens autour, ils font un grand cortège. Et ils pensent que ça, c'est le soutien de leurs frères. Pour que mort soit fort, les gens disent, ah, il est décédé, Djama Bola. Il y a beaucoup de personnes, ils ont rempli le cimetière. Est-ce que ça le profite? Ça ne le profite pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui le profite? Ce sont ses œuvres. Et la prière des Mouahidoun sur lui. Ça le profite. C'est-à-dire, on peut trouver souvent quelqu'un qui décède. Il y a toute une mosquée. Bidoyati, remplie. Muktavon. Plein. Walakin. Yusolluna alay. Il prie sur lui. Walakin la'alla wa rubbama tajid. Rajul wahid. Muwahid. Fi hadhihi al-jama'a. Une seule personne. Dans ce groupe-là. Et Roubama l'intégrit. Tu ne trouveras même pas. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la parole du professeur Hassan n'agit pas sur certaines personnes aujourd'hui. Que quoi? Kafa bil mawti wa aidan. C'est-à-dire, eux, ils vont à l'enterrement, c'est là, mais ils vont faire les selfies. Ouais, selfies. Voilà le mot qui s'en va. Quand on va l'enterrer, on rentre dans la tombe. On veut le mettre dans la tombe. C'est en ce moment que le croyant coule les larmes. C'est en ce moment que le croyant voit son frère, sa sœur, sa mère, son père, son cousin rentrer dans la tombe. Et dès qu'on va le couvrir, la question des anges va commencer. Donc quand il s'imagine ça, il coule les larmes. Parce qu'il se pose la question, est-ce que mon frère, il pourra répondre? Regardez, ce mawkif, c'est tellement important que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont fini d'enterrer le corps, il a dit, Udu'u li akhikum. Il dit, demandez Allah, laissez les enfants. Vous vous déconcentrez, c'est pas bon. Demandez à Allah de raffermir votre frère. Lorsque les deux anges vont lui poser des questions. Et quoi, c'est un maokif qui est compliqué. Mais comment on peut aller prendre des photos des photos là-bas. Hein? Et d'autres même communiquent. Ouais, je suis au cimetière. On est venu enterrer un gars là. Sauf fini, je viens tout de suite, il faut m'attendre. Et Rubama, il finit là, il s'en va escroquer quelqu'un. Allah nous préserve. Donc la mort n'est plus un rappel pour certains. Mais c'est devenu de l'amusement. Parce que tu sais, les gens se disent que ce sont les autres qui meurent. Mais moi, je suis là. Comment il va avoir peur? Voyez là, s'il sait que celui qui est mort l'a dévancé de quelques secondes, et que lui-même, il va le rejoindre, la mahala, il va réfléchir. N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve. Donc ici, وَيَكُونُ تَكْفِينَ بِأَسْوَابٍ بِيدٍ وَهُوَ الْأَفْضَلِ. Écoutez bien cela, non? Bon, dans le sens que, évidemment, ici, on voit que c'est les corvias. Donc, pour faire accompagner. Il faut aller rapidement. D'accord. Bon, on voit que souvent, avec les embouteillages, on met souvent un homme devant avec une moto qui essaie de klaxonner pour bloquer les véhicules. Est-ce que. Les embouteillages ne peuvent pas nous permettre de faire le bruit lorsqu'on va avec le corps. Faire du bruit lorsqu'on va avec le corps, c'est la niyaha, c'est interdit. Ça rentre dans l'interdit. Au temps de la jahiliya, lorsque les gens partaient avec un corps, ils mettaient quelqu'un devant pour crier. Pour annoncer partout, crier, telle personne est morte. Sortez, sortez. On appelle ça niyaha, c'est interdit. Donc, qu'il y ait des embouteillages ou pas, faire le bruit, c'est pourquoi. Là, voilà, les embouteillages ne vont pas t'aider, même si pompiers passent, t'attends pas, ils ont laissé où ta pompier ici. Hein? Chacun se cherche à Abidjan. Ils disent qu'à Abidjan, c'est matin. Ou bien. Donc, c'est mieux de ne pas faire toutes ces choses-là. Toyeb, on suit le cortège normalement. Beaucoup de personnes dans le suivi du cortège, c'est une bonne chose. Ça va? Et on ne fait pas de bruit autour du cortège. C'est un moment de méditation et de réflexion. Toyeb, un moment de méditation et de réflexion. Ce n'est pas un moment où on doit venir faire des bruits ou faire du tapage à côté. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, il dit, l'ensevelissement se fait avec des vêtements qui sont blancs. Ça va? Wawal afbol, mais c'est ce qui est meilleur. Ça va? Faqad arshad alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré cela. Il a libasi al-abiyad, des vêtements qui sont blanches. Waqala kaffinu fihi mawtakum. Il dit, ensevelissez vos morts dans ces vêtements-là. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah. Le hadith de Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Wala yani zalika. Donc cela ne veut pas dire, écoutez bien cela, que d'autres vêtements, c'est-à-dire d'autres couleurs, ne sont pas permises. Lakin al-afdol, mais ce qui est meilleur, c'est le blanc. Ça va? Fa'afdol ma yakounu at-takfin, ce qui est meilleur aussi dans le linceul, c'est salasatu aswabin bird, c'est trois linceuls blanc. Ça va? Qala rahimahullah. Alors l'auteur du livre, on a fini ici avec cette masala, qui est quoi? Le nombre de linceul. Et on a vu al-ijza, c'est un seul. Ça va? Un seul qui qui suffit. Voyez, mais trois ensemble, afdal. Et ça doit être comment? Ça doit être blanc, afdal. Maintenant, ça doit être épais. Ça doit couvrir. Ça va? Ça doit couvrir. C'est-à-dire, si le mort, il fait 2 mètres de longueur, le linceul qu'on doit prendre pour le couvrir doit faire au moins 2 mètres 15 ou 20 de plus, c'est-à-dire ce qui le dépasse légèrement. Pas trop, mais ce qui le dépasse légèrement, qui peut couvrir son pied et que petit espace reste après, et que ça couvre sa tête et puis l'autre espace reste. Ça va? C'est ce qu'est le takfin. Non. D'autres achètent pour garder, pour pouvoir penser à les morts. Anna Allahu a'lam ma ra'aytu aw la zalik. Mais j'ai déjà vu un hadith, mais la adri an sihat al hadith al an. Mais de tous les livres de kutub de hadith de fiqh que j'ai lu, j'ai pas vu cette masala avant. Le fait d'acheter le linceul pour garder. Non. Non. Ça y est, c'est bon de plier pour la chose bien, c'est d'attraper le péché. La tête. C'est-à-dire, les restes qui sont de la tête et puis pied. Oui, on va arriver dessus. On va arriver dessus. Parce que quand on va finir, je vais vous dire maintenant de façon pratique comment on assévérit le mort. C'est facile, c'est pas compliqué. طيب نعم دونك انا فيني سيت مسالة قال رحمه الله إلي ولو لم يملك غيره c'est-à-dire même s'il n'a pas d'autres vêtements et qu'on a un seul on l'enterre dans cela c'est-à-dire on l'assévérit dans cela mais c'est toujours bon que ça soit ce que lui il avait. Ou bien on achète son argent. C'est compris? Izamat al-mayyit, si quelqu'un meurt, la yamliku illa qata' qumash. Il ne détient que un morceau de tissu. Fayukfan. On l'ensevelit bi qita'at al-qumash tilk. Avec ce morceau de pagne qu'il a, ce morceau de tissu. لأن الكفن يكون من رأس مال الميت. Car ce qu'on prend pour l'ensevelir doit être de son capital, c'est-à-dire de son argent. أي من ماله الخالص. Ça doit être de son argent pur, son argent. Ça va? فإذا لم يوجد له مال سوى الكفن. Et si on n'a pas trouvé d'autres biens, si ce n'est que le linceul, قدم الكفن. On prend, c'est-à-dire le tissu qu'il a, s'il a laissé que ça seulement, on ne donne à personne. On prend ça pour l'ensevelir. Voyez, Kodima al-Kafn al-Dayn wa ghayri. On devance cela même sur le prêt qu'il avait. Voyez, Wadalil al-Zalik. La preuve de cela, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Amara bit Tatfin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de. Dans ce livre qui Mus'ab ibn Umayr fi Namira, de l'ensevelir dans ce qu'on appelle Namira. Namira c'est quoi? Siyabun Mukhattat. C'est un habit qui a beaucoup de traits, c'est-à-dire un tissu qui a beaucoup de traits. Ka'annaha akhazat min an-Namira. Naam, c'est comme il a pris de an-Namira. النمر فلم يترك غير هذه النمرة اي n'a pas laissé c'est-à-dire il a pris seulement que ce namira فيقول خباب بن الارث راوي الحديث خباب بن الارث qui a rapporté le hadith il dit كنا إذا غطينا بها رأسه lorsqu'on fermait la tête de Moussa ibn Umayr avec le linceul كشفت قدما ses deux pieds sortaient d'eux. وإذا غطينا بها قدمي et lorsqu'on fermait ses deux pieds كشف رأسه sa tête sortait d'eux. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم les a ordonné de fermer la tête ووضع الإذقير على قدمي et de mettre الإذقير. إذقير c'est hashish, c'est l'herbe qui a طيب الراح, qui a une bonne odeur. C'est-à-dire ça peut être l'herbe ou même feuille d'arbre, quelque chose comme ça pour venir couvrir maintenant. Il a demandé à ce qu'on ferme sa tête. Maintenant, l'espace qui est resté, de prendre l'herbe pour venir fermer ses pieds. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qala rahimahullah. Donc ici, la masala que nous venons de voir montre que si la personne est décédée, qu'il a laissé seulement qu'un pagne ou bien un drap, on ne prend pas ce drap pour vendre, pour rembourser sa dette. Mais on prend ce drap pour l'ensevelir avec. Voyez, parce que c'est mieux, sinon d'autres personnes peuvent en acheter. Mais c'est toujours mieux qu'il soit ensevelir avec son propre bien. Voyez. قال رحمه الله لتد لبدي ولا بأس بزيادة il n'y a pas de problème d'en ajouter مع التمكن lorsqu'on est capable من غير مبالغات sans exagérer. C'est-à-dire si on veut ajouter le nombre, ça va. C'est-à-dire la basa bi ziyadati ala ma yasru ma tamakkun. Ça va? Il n'y a pas de problème à ajouter ce qui couvre le corps avec capacité. Ay ma al qudra ala ziyada. Si on est capable d'ajouter. Min ghayri mughalat, sans exagérer, wa ghulu fil kafn. Et c'est-à-dire dépasser les limites dans l'ensevelissement. Votre courant. فإنه سيدخل sinon ça va rentrer في إضاعة المال dans le fait de gaspiller l'argent, les biens. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a interdit trois choses dans un hadith. Il dit إن الله نعم qui peut me donner le hadith hein يحب لكم ثلاثا يرضى لكم ثلاثا على غير trois choses pour vous و يكره ثلاثا et il déteste trois choses pour vous. Et ces trois choses qu'il déteste pour vous c'est quoi? قيل وقال on dit hein وكثرة السؤال et beaucoup de questions et le gaspillage de l'argent. فالواجب هو ثوب واحد. Ça va? Ce qui est obligatoire, c'est un seul vêtement. يستر جميع الجسد. Qui couvre tout le corps. Ça va? Qui couvre tout le corps. طيب. C'est un seul vêtement qui couvre tout le corps. Ça va? Donc ici, والأكمل, ce qui est le plus complet, هو ما كفي نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ce qu'on a pris même pour ensevelir le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Comme c'est venu, كفينا في ثلاثة أسواب يمانية. Dans trois vêtements. Petit trois linceul yéménite blanc. سهولية من كرسوف ليس فيه قميص ولا إمامة. Donc ici, il va expliquer maintenant les alphas qui sont dans le hadith. Al-Yamaniya hiya min sun'il Yaman. C'est ce qui a été fabriqué au Yémen. Ça va? Souhouliya. Souhouliya maintenant ici c'est Bidun Naqi. D'autres ont dit cela Bidun Naqi. Mais d'autres ont dit Nisbatun ila Madinat fil Yaman. C'est affilié à une ville au Yémen. Wal Kursufin Koutn. Kursufin c'est Koutn, c'est-à-dire le coton. Comme on a dit. Hada akmalu shay. C'est ce qui est le plus complet. Amma mujawazatu salata fil kafn. Quant à dépasser les trois dans l'ensevelissement, wa ziyada et ajouter, wal mughalat et dépasser quand même les limites, fa innaha min ida'at al mal. Ça rend dans le gaspillage de l'argent. Voilà. Alors donc ici, l'auteur du livre, il dit maintenant, wa yukaffanu ash-shahidu fi thiyabihi allati qutila fiha. Voilà une autre masala ici. On a séveli le martyr. Qui est le martyr? Non. Hein? Dans la bataille. Et lui qui est mort, ils l'ont piqué avec couteau. On peut couper sa tête même. Hein? C'est-à-dire lui qui est mort dans le champ de bataille. Ça va? Fils Abili, là, c'est lui qui est le shahid. Donc, on a enseveli le shahid dans le vêtement dans lequel il a été tué. Comment on fait cela? Man lui dit. Il est tué. Non. C'est ce que je dis. Comment on fait? Qui va me répondre? Le vêtement dans lequel il est tué. Comment on fait? Non, Moustad. On le laisse tel qu'il est mort et puis on l'enterre. Non. Moi, je pense que le vêtement dans lequel il est mort, on laisse bien en série avec ça. Non. Non. Donc ici, Kaulan, il a deux paroles. Quelqu'un n'a pas touché ça là-bas. Ah, ok. Ici, il y a deux paroles. Tu peux t'asseoir. Ici, il y a deux paroles. D'autres disent on le laisse comme tel. D'autres disent le vêtement qui est sur lui, on enlève. S'il y avait des fermetures, on déchire et puis on dépose comme le linceul et puis on l'a civilé avec. Ça va? Alors, ce qui est connu, c'est que s'il meurt shahid dans un vêtement, on le laisse avec ce vêtement. Et ensuite, s'il avait des isards, on prend pour couvrir sa tête et puis on l'attache avec pour le laisser. Parce que il doit être ressuscité le jour de Yom al-Qiyama comme il est mort. Ça va? Parce qu'on ne le lave pas. Donc il n'y a pas de haja à enlever tous ses vêtements sur lui. Il y a quel haja? On l'ensevelit avec le vêtement qu'il est mort avec. Ça va? Wa qad fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zalika bi shuhada'i Uhud. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait cela avec les martyrs de Uhud. Kafanahum bi thiyabihim. Il les a ensevelis avec le vêtement l'étikoutilou fiha dans laquelle ils ont été tués. Qala ibn Qudama Mas'ala Qala wa dufina fi thiyabihi. C'est-à-dire ibn Qudama dit dufina, il est enterré fi thiyabihi. Hada zahir, ça montre que il est laissé de cette manière. Ça va? Wa in kana alayhi shay'un min al-julud, s'il y avait des choses, des peaux, les peaux de des trucs djouloud, bimana, des trucs en peau sur lui, ça va, wassila, et des armes, nuhiyanu, on enlève cela sur lui. Ça va? Voyez. Amma dafnu bi thiyabihi, quant au fait de l'enterrer avec son vêtement, Falana la Mufi Khilafan. Il dit, nous ne connaissons pas les divergences à ce sujet. C'est quelque chose qui est authentique, qui a coulé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, et fanouhum bisiyabihim. Enterrez-les avec leurs vêtements. Warawa Abu Daoud wa Ibn Majah an Ibn Abbas. Abu Daoud et Ibn Majah ont rapporté d'après Ibn Abbas an yadfanu fi siyabihim. Afwan. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam amara. Il a ordonné biqatla Uhud. Ceux qui ont été tués dans la bataille de Uhud, an yanzi anhum al-hadid, d'enlever sur eux les fers wal julud et tout ce qui est peau, wa yadfanu fi thiyabihim, et qu'ils soient enterrés dans leurs vêtements. C'est ce qui est le plus clair dans la parole. Et dima'ihim, ils ont enterré avec leur sang. Ça va? Wa laysa hadha bihatm. Et cela n'est pas obligatoire. Lakinnahu al-awla. Mais c'est ce qui est mieux. Ça va? Intaha bi-ikhtisar. Donc voici, nous allons voir maintenant la dernière masala. Qala rahimahullah. L'auteur du livre, il dit, que Allah lui fasse miséricorde. Wa nudiba tatribu badanil mayyit wa kafnuhu wa kafanuhu. Ça va? Il est recommandé de mettre le parfum, ça va, sur le corps du mort et sur le kafan, ça va, sur le linceul. De mettre, yani, le parfum, ça va. Aïe. C'est-à-dire, yastahibu tatib jasadil mayyit wa tatib kafani. Il est recommandé de mettre le parfum sur le corps du mort ou bien et aussi sur le linceul. Illa idha kana al-mayyit muhrima, sauf si le mort il est en état d'ihram, de sacralisation. Faqad jaa fi hadith, c'est venu dans le hadith, alladhi wa qasatuhu naqatu, celui dont sa chamelle a marché sur lui, wa huwa muhrim faqataltu, et la chamelle l'a tué. Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la tumisuhu bi tibin, il dit, ne mettez pas de parfum sur lui, fa innahu yub'asu mulabbiyan, car il sera ressuscité en état de talbiya. Labbayk Allahumma labbayk. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Fanaha an yutayyibu man kana muhriman. Donc il a interdit de mettre le parfum sur celui qui est muhrim. Lianna at-tiba yahrumu 'ala al-muhrim. Car le parfum est interdit pour celui qui est en état de ihram. Fala yajuzu istighdamuhu. Donc ce n'est pas permis de l'utiliser. Wa istimaluhu la. فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Il sera ressuscité le jour de la résurrection, مُلَبِّيًا, en état de talbiya. وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ. Donc il y a en cela une indication, إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَمِلُونَ الطِّيب لِلْمَيِّتِ, qui montre ici qu'ils utilisaient le parfum pour le mort. وَإِذَا مَنَعَ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ yuhrim lana muhrim dalla ala jawazihi li ghayr al muhrim. Si ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit pour le muhrim, cela montre que c'est permis pour celui qui n'est pas en état de sacralisation. Fa min huna akhadha al-mu'allif al-kalam alladhi zakara, et c'est de là que l'auteur du livre a pris la parole qu'il a mentionnée. Tayyib. Donc wa jaa fi hadith umm atiyah, c'est venu dans le hadith de umm atiyah que nous avons vu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ij'alna fil akhirati kafuran, mettez à la fin du kafran, ça va, ou shay'an min kafur, ou bien quelque chose du kafran. Wa taqaddama ma'na al kafur, et on a vu le sens de kafran, wa huwa naw'un min at-tib, c'est un type de parfum, c'est un arbre. Voilà, le cafranier. وقد ورد في حديث آخر سيفين نزين نوتر حديث ولكنه ضعيف ما الحديث الضعيف هو قوله إذا جمرتم الميت فأجمروا ثلاثا ستعدي جمرا ستعدي برفمه بخرا بخرتم الميت سيفو برفمه المور سوا parfumer les trois fois. Mais ce hadith est doïf. « Wa yustahabu wadul izkhir fil qabr » C'est aussi préférable de mettre le izkhir dans la tombe, c'est-à-dire l'herbe qui a une bonne odeur. Le qawl al-Abbas « Lamma naha al-Nabi sallam an qat'i ma yunitu fi Makkah min al-ashabi wal-ashjar » Abbas a dit, lorsque le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de couper les herbes ainsi que les arbres à Mecca, قال Abbas, إلا الإذخير يا رسول الله فإنا نجعلها في بيوتنا وقبورنا. Lorsque le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est-à-dire de couper, ça va, les arbres et les herbes. Abbas a dit, sauf le Ezrir, parce que le Ezrir, nous, on le coupe pour le mettre dans nos maisons ainsi que dans nos tombes. Fakala, illa l'Ezrir, illa l'Ezrir. Et le professeur Hassan a dit, illa l'Ezrir, illa l'Ezrir. Sauf le Ezrir. Vous le laissez. Là, si vous avez besoin de cela, vous partez couper. Et on a dit, wal Ezrir, hashishatun toyibatur raha. Hashisha, c'est ce qui a une bonne odeur, ça va? Non. Donc, par cela, nous avons fini ce chapitre qui est Takfinul Mayyit. Toyib, je vais expliquer maintenant pourquoi on puisse comprendre comment ensevelir le mort. Ça va? Toyib, vous prenez trois pagnes, trois linceuls. Le linceul, c'est comme pagne qui a la largeur qui dépasse le corps du mort, c'est-à-dire la largeur qui fait trois fois le corps du mort, dont on peut rabattre de gauche et puis de droite pour que ça puisse couvrir normalement. Ça va? Et on prend trois comme ça. La largeur fait trois fois le volume du corps. Ou quatre fois, si vous voulez. Cela dépend de vous. Ça va? Mais le maqsoud, c'est que quand tu vas le coucher au milieu, tu dois pouvoir prendre le côté gauche pour rabattre sur sa poitrine et le côté droit pour rabattre sur sa poitrine. Voyez? Et maintenant, le linceul doit dépasser sa taille. Ça va? Il doit dépasser sa taille. Ensuite, maintenant, tu mets le linceul au sol. Un. Deux. Troisième, tout superposé ensemble. C'est compris? Toyib. Et tu le couches maintenant au milieu, sur sa nuque, sur son dos, quoi. Tu le couches bien droit. Ça va? Et maintenant, si tu veux mettre du parfum sur le corps, avec le linceul, tu mets le parfum à côté. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends le côté gauche du premier tissu, tu couvres le corps avec. Mais bien avant cela, soit tu laisses les deux mains étendues, il est bien droit, ou bien soit tu mets les deux mains sur la poitrine. Parce qu'il n'y a pas de preuve claire qui est comment? L'autre sur l'autre, comme dans la prière. Ça va? Maintenant, lorsque tu fais cela, ensuite, tu prends le côté gauche du tissu pour placer sur lui, du haut jusqu'en bas. Mais il faudrait que ça couvre tout son corps. Ensuite, tu prends le côté droit, tu rabats. Mais bien avant cela, il faut mettre le parfum sur son corps. Et puis ensuite, tu rabats ces deux côtés. Si tu finis de faire, tu prends encore le deuxième tissu. Ça va? Tu fais pareil. Parce que les trois tissus sont superposés. Ça va? Tu prends le troisième, tu fais pareil. Et lorsque tu finis de faire, tu vas vers le pied. Ça va? Tu attaches. Tu prends une attache. Tu attaches à partir de ici, la cheville. Ça va? Ou bien si tu veux, tu descends, tu montes un peu, mais à partir de la cheville. Tu attaches quelque chose dessus. Tu viens à sa ceinture. Mais la chose que tu dois attacher, ça doit être du tissu aussi, le linceul blanc. Mais tu coupes comme une corde et tu attaches à partir de la ceinture. Et maintenant, à la tête, maintenant, tu viens attraper le bout. Ça va? Tu attrapes le bout, c'est-à-dire au-dessus de sa tête, pour fermer la tête complètement. Et tu attaches là-bas. C'est fini. Voilà comment on a sévillé un mort. Tayyib. Al-Fahim, Tom. Non. Et maintenant, sur le bout des pieds, là. Non, ça dépasse. Normalement, si ça dépasse, si tu attaches ici, c'est fini. Ça couvre. On n'a pas besoin de venir attacher après, ici. Mais c'est au niveau de la tête qu'on attache. C'est compris? Non. Côté cheville, c'est fini. Normalement, le pagne dépasse le pied. Ça va? Non. Maintenant, avant de le couvrir, sa aura. Sa aura doit être couverte. Ça va? Ça, c'est primordial. La aura, ça doit être couverte. Ça, tu mets quelque chose sur la aura d'abord, avant de pouvoir le truc. Même lorsque tu le laves, tu couvres la aura pour le laver. N'est-ce pas? Si tu arrives sur la partie de la aura, si c'est une serviette qui est sur lui, tu prends de l'eau, tu concentres sur la serviette pour que ça aspire pour pouvoir laver là-bas. Et si tu finis, tu peux prendre, au lieu de pousser la serviette pour voir sa aura, tu prends une autre serviette pour, pendant que tu déplaces l'autre, tu prends ça pour pouvoir couvrir. Et lorsque tu finis maintenant, vous le prenez maintenant, vous le déposez sur le linceul. Ça va? Mais vous devez le couvrir avec quelque chose avant de le prendre pour le déposer sur le linceul. Ça va? Maintenant, vous prenez un parfum pour mettre sur son corps. Et maintenant, vous prenez le linceul comme ça, de gauche à droite, le deuxième de gauche à droite, le troisième de gauche à droite. Maintenant, vous l'attachez maintenant. Ça va? Maintenant, le pain comptant pour la serviette comptant pour couvrir la partie intime. Non. Du linceul. Non, on retire. Si on finit de mettre le linceul, on retire ça. Non. Natte. L'utilité des nattes. Bon, la natte, moi je pense que les gens font ça pour pouvoir le couvrir. Après, ils enlèvent la natte, non? Voilà. Parce que souvent, si on le prend comme ça avec le linceul simple, souvent la personne, après même l'avoir séveillé, dégage encore certains déchets. Ça va? Qui viennent directement du ventre. Donc voilà pourquoi on prend la natte pour pouvoir l'attacher avec, pour que on puisse prier sur le corps et puis après aller l'enterrer. Tayyib? Non. Et normalement on le met dans quelque chose et puis la sunna c'est que les gens le portent sur l'épaule. C'est ce qu'est la sunna. Ça va? Les gens le portent sur l'épaule pour aller l'enterrer. Voilà. Il y a des questions? Non. C'est le côté tête qui se dirige ou c'est le côté pied? Oh. En allant au cimetière. En allant au cimetière, en partant avec le corps. On le prend à partir de la tête. C'est le côté tête. C'est-à-dire ceux qui sont devant doivent être. Même lorsqu'on le met dans le truc, on fait rentrer sa tête d'abord avant son pied. Non. Voilà. Souvent, quand ils sont en train d'emballer le corps comme ça, non. Il y a d'autres aussi qui courent de la vie. Qui courent. Et puis le porte. Oui, le porte. Mais avec le même lien celui-là. Ça, c'est un soumant, je ne sais pas. Mara est touché à Naoula. Ce que nous connaissons, c'est le linceul. Et le linceul, on a déjà expliqué. Mais il y a d'autres qui coûtent des habits pour lui porter. Ça, c'est des choses. Alors, madame, ça couvre le corps. Souvent, il n'y a pas d'ishkal si on fait d'autres choses. Ça va? Parce que le maqsoud, c'est qu'on couvre le corps pour aller l'enterrer. Ça va? C'est ça le maqsoud. Mais si il y a des pratiques dont on montre que c'est méritoire de le faire, la personne aura cela, cela, cela, cela, en ce moment, ça devient une innovation. Parce qu'on a prétendu des mérites dans le fait de faire cela. Mais le maqsoud, c'est de couvrir le corps. C'est-à-dire, si la personne est décidée seulement qu'avec un seul boubou, ça va, et que ce boubou-là, on peut prendre pour l'ensevelir, on prend et puis on descend le boubou, on prend d'autres choses, on l'attache avec et puis on va l'enterrer. Ça va? Non. Là, je calme. Non, il y a des questions? Non. Bon, lorsque on prend le corps pour se dériver vers le cimetière pour aller l'enterrer, est-ce qu'il y a. Bon, ils ont souvent même là-bas, on dit la chambre, il arrive à la chambre en battant. C'est une innovation. Les gens font beaucoup de pratiques. C'est dans l'enterrement du mort. Ils font beaucoup, beaucoup de pratiques. Et ces pratiques n'ont rien à voir avec l'islam. On chante là, il a, il a. Souvent même, ça même peut-être que c'est moins pire. Souvent il y a d'autres, ils vont coucher le mort. Ils commencent à chanter. Là, il a, il a. Ils disent, écoute bien. C'est-à-dire le mort s'appelle Mohamed. Ils disent, Mohamed. Écoute bien, on va répéter la ilaha illallah pour que ça reste sur ta langue. Et regardez-moi ça. Il n'a pas dit ça lorsqu'il mourait. C'est en ce moment qu'il va venir dire. Et quand il finit ça maintenant, il enterre. D'autres, ils le couchent dans la tombe. Et puis ils disent, les anges vont venir. S'ils arrivent, s'ils te disent, man rabbouk, et puis ils disent, Mohamed, il faut répondre Rabbi Allah. Ma dinuk dini al-Islam. Man nabiyuk nabiyi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a toutes ces pratiques. Et souvent, dans leurs pratiques aussi, il y a des karamoko qu'ils appellent. Avant d'enterrer le mort, le karamoko il vient. Et avant même qu'on finisse de laver le mort, on finit de laver le corps, on l'a sévelé, on veut prier sur lui. Le karamo, il demande à aller rentrer dans une chambre. Selon lui, lui s'en va se coucher. Parce que c'est en rêve que Allah lui montre les choses. Donc quand lui va maintenant, il rentre, on lui donne seulement quelques minutes. Il rentre dans la petite maisonnette et puis se couche. Il sort et dit, j'ai rêvé. J'ai rêvé que c'est pas bon. Il est en enfer. Donc, on lui dit qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit, on doit payer ça. On doit payer ça. Et il dit qu'il doit faire la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu pour le mort plus de 10 000 fois. Il doit zikrer afin que Allah le transfère de l'enfer au paradis. Oui, c'est lui qui doit faire ça. Doua ou le fida. J'appelle ça fida, c'est-à-dire doua ou des transferts. Alors, Moussa, il y a beaucoup de pratiques ici. Ça va, il y a beaucoup de pratiques. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Mais si on connaît la sunna autour de cela, c'est encore mieux. Non, les soufis, ils ont beaucoup de pratiques. Non? La femme qui meurt, depuis là-bas, ils disent que quand la femme meurt, non. Ils posent des questions à la femme. Elle n'a pas dit qu'elle est compagne, que son mari est levé. Allah Moussan. C'est-à-dire, la femme qui meurt, on lui dit, si les anges lui posent la question, la garde, elle ne répond pas. Les anges, ils viennent avec Mirzaba, marteau. Celui qui ne répond pas, on le tape avec ce marteau-là jusqu'à qu'il descende dans le sous-sol du septième terre. Donc, elle va dire, elle ne répond pas. Son mari, il arrive. Lui va dire quoi? Hein? Il y a d'autres aussi, ils ont des khurafats autour de cela. Ils disent par exemple que si une femme décède célibataire, ça va, on doit forcément la marier. Et ça, excusez-moi, ici il y a des Koyaga ici, mais on voit ça beaucoup chez les Koyaga. Hein? On marie le mort. Hein? Non. Oui, ceux qui sont en direct qui veulent répondre. Non. Oui. Non. Comment? Les fantômes n'existent pas. C'est les djinns qui s'amusent avec les djinns. Ça va? Ah. Oui. Généralement, les puissances, c'est-à-dire les djinns, les soufis, ça, c'est dans ça, ils gagnent leur mangement. C'est là, ils mangent des pizza comme ça, que telle personne est décidée de venir son fantôme. La maison est fatiguée, donc quand on ne fait pas tel straka, on ne fait pas tel straka. Après, on lui demande quelle est la straka, il dit bébé. Mais le vieux l'envoie jamais. Bon, il donne aussi souvent des couleurs, un peu bleu, bleu, rouge, vert. Bon, ainsi de suite. On lui dit, bon, comment on peut trouver ça? Il dit, on peut trouver, mais à tel prix. Et puis, bon, on lui donne l'argent pour pouvoir aller chercher ces bœufs qu'on ne peut pas trouver. Hein? C'est ce qu'ils font pour pouvoir voir les gens. Sinon, il n'y a pas de fantôme. Ça n'existe pas. Le mort qui est mort, il est déjà mort. Voilà, il y a out. Il ne peut plus revenir. S'il avait cette capacité-là, il n'allait pas mourir. Mais il ne peut plus revenir. Donc lui, c'est fini. Mais souvent, les chéatines font cela. Il y a le Kissa aussi qui arrive, c'est vrai. Tu vois, la personne meurt ici. Et puis on va trouver la personne en train de faire des choses quelque part là-bas. On dit, mais attends, lui là il est mort et puis après je le vois. Tu vois, moi à une époque ça m'est arrivé. Quand mon papa venait de décéder nouvellement, je suis allé quelque part et puis j'ai vu quelqu'un qui avait les mêmes vêtements, le même aspect, carrure, tout ça, c'était mon papa. Ce jour-là, moi j'étais tellement effrayé, c'est que les fantômes existaient. Non? Mais à ce moment, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai fui, je suis allé à la maison, mais après on m'a dit non, que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Mais souvent, il arrive que des djinns prennent la forme de la personne pour pouvoir aller faire des choses. Ça arrive. Mais les fantômes n'existent pas, ça n'existe pas. Non. Non. On finit avec cette question. Non, voici que Barakallah Daoud. C'est au cours de l'enterrement. Non. Souvent il arrive que nous, tu as des parents qui ne sont pas de la sunna. Non. Et quand tu décèdes, les parents proches, les gens bizarres qui vont les enterrer. Non. Là, souvent il y a des pratiques, comme vous l'avez dit, que quand ils mettent le corps dans la tombe, et qu'on reprend. Oui, oui. Toi, si la jambe vient, Non, ils font des pratiques bizarres. Moi, je me demande à quel moment on peut quitter le cimetière. Et qu'on assiste à ça, oui, ici c'est une question qui est très importante. Si le frère que tu as connu, qui est décédé, était sur la sunna, alors c'est que s'il était vivant, il ne serait pas d'accord avec ça. Dans ce moment, toi tu suis sa janaza jusqu'à l'enterrement. Ça va? C'est après l'enterrement que tu pourras tourner le dos. Donc tu attends quelque part, tu ne te mets pas avec eux. Mais tu attends quelque part pour monter ton incar. Quand ils finissent maintenant, ils finissent l'enterrement, tu tournes le dos. Ça va? Oui. Mais il manque un gafara, quand on verra là. Tu ne dois pas t'ajouter à lui. Tu dois te mettre à côté, à l'écart même. Hein? Maintenant, oui, tu peux t'approcher pour faire donc. Maintenant, dans le cas où c'est un grand proche. Non. Que papa, maman, soeur. Bon, tu sais, dans ce genre de situation, si c'est papa, maman, soeur, si tu te mets à l'écart, ils vont penser que toi, tu t'en fous. Okay. Ils vont penser que toi, tu t'en fous, en fait. Non, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois leur faire les râles, te cacher, en fait. S'ils font ce genre de choses, ils restent à ma donne, quoi. Et quand ils finissent là, tu viens rapidement. Moi, c'est là, pour le moment. Mais à la couleur, le croyant ne doit pas assister à ce genre de choses-là. Parce que Allah a qualifié le croyant dans le Coran, il dit Al-Ladina la yashaduna al-zur. Il n'assiste pas à la, c'est-à-dire au péché, à tout ce qui est turpitude, tout ce qui est mauvais. Donc il ne faut pas assister à ça. Ça va? Mais tu te mets quand même un peu à l'écart et puis, bon, Allah nous aide. Donc on va s'arrêter ici. Déjà comme on l'a fait. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer avec As-Salatu al-Mayyit, la prière sur le mort. Car après l'ensevelissement, c'est la prière. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.